Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Damage ont le plaisir de vous présenter Tajrid al-Ittiba' wa khatar tark al-haq li ara' al-khalq wa ma yusamma bil-ishrak fi ar-risala li akhina al-shaykh Abi Hatim Sa'id bin Da'as al-Yafi'i rahimahullah ta'ala. Un cours donné par le frère Mounir Al-Maghribi Hafidhahullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Al-Salafiyya Tibi Damaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Subhanahu Wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa al-aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwanu illa 'ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ سعيد بن دعاس عليه رحمة الله صفحة 6 page numéro 6 قال ولقد صارت هذه المنهجيات الفاسدة سببا كبيرا من أسباب تأخر كثير من الناس عن كلمة الحق. نعم. لماذا؟ لأنهم ils ont mis entre eux et le حق un obstacle. Ils ont mis entre eux et le حق أن السيست بيرسون il la suit pas فهو il le suit pas. لا شك أن مثل هذا سيتأخر. لأن comme on a expliqué أمس c'est pas لازم qu'un sheikh ou deux sheikh ou plus أنهم ils ont toujours le حق أبدا. هذا الآن تسبب بنفسه c'est lui sa, la propre cause أنه il suit pas le حق. لماذا؟ لأنه مرتبط بالدليل avec فهمه للعلم. لا مثل هذا يرتبط بالأقوال فقط بدون تمييز. Si son sheikh ou deux sheikh ou trois sheikh il se trompe, chacun il se trompera et il ne pourra pas revenir au haq. قال ونصرة المحق وهذا سواجب كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا سواجب نصرة المحق ولو il est seul. Voilà où ils sont que deux, voilà où ils sont que trois. Les malades, les anna, leur nusra, les wajiba, les anna, c'est pas une nusra pour eux, فقط. Là, c'est une nusra pour le haq qu'ils ont. هذا c'est wajib على كل مسلم. قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال وربما كان ذلك سببا في مزلة كثير من الناس في الباطل. نعم. سببا في مزلة. المزلة c'est un égarement, une déviation. Fakathir min al-nas. Al-an, une des causes d'égarement pour beaucoup de personnes, c'est le ta'assub. C'est al-taqlid, al-a'ma. C'est adam al-tajarrud lil-haq. Tout ça, c'est une cause an al-insan qad yanharif. Al-insan qad yanharif. Qala li-anna al-bashar mahma kanat manzilatuhu ghayr ma'asum min al-inhiraf wal-dhalal أو الخطأ في أقل حال. نعم. وهذا سأصل عند أهل السنة أن العصمة آل لرسول الله صلى الله عليه وسلم للرسل والأنبياء. أما غير الرسل والأنبياء فقد ينحرف قد يخطئ قد يضل قد يبتدع بدين الله عز وجل قد يكفر. لا أحد معصوم من هذا. قال عز وجل في الحديث القدسي إنكم تخطئون بالليل والنهار. Vous trompez nuit et jour. فلا أحد معصوم إلا من عصمه الله من أنبياء الله ورسله. فستكون في هذا الآن وهذا مهم أن لا أحد إلى معصوم من الانحراف والضلال والخطأ. فأنت تفي attention يعني de pas suivre quelqu'un dans ce انحراف أو ce ضلال أو ce خطأ. لأنه il est pas infaillible, il est pas معصوم. هذا لابد منه qu'on comprenne ce point essentiel. أن personne après les prophètes et les messagers personne est infaillible. Personne. ثبت عن ابن عباس مرفوعا رضي الله عنهما كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. Enfin, tu peux prendre la parole de tout le monde ou la rejeter sauf le prophète عليه الصلاة والسلام. Tu dois tout prendre لأنه c'est le haq وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما autre que le prophète صلى الله عليه وسلم, tu peux prendre أي, si sa parole elle concorde avec l'adilla, et tu peux rejeter s'il se trompe. هذا c'est moi. Et cette erreur الآن, ça peut être un khata, ça peut être un khata في الفقه, elle ne fait pas sortir la personne de la sunna cette erreur. Ça peut être une bid'a, ça peut être un kufr, والعياذ بالله, ça peut être toutes ces choses qu'on a citées. Enfin, la personne يحذر أنه il ne suit pas aveuglément. لا يرضى لنفسه بهذا أبدا أبدا. قال فأحببت أي en bas de la page, قال فأحببت أن أذكر ما تيسر من الأدلة وكلام أهل العلم في حكم التزام الإنسان رأي شيخه أو قول عالم معين لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. وهذا tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Celui qui se prétend min ahl sunnah, bah, il est concerné par هذا. أن هذه سنة نصيحة. أن la personne لا يجوز له. أنه il place son شيخ ou deux شيخ ou أكثر منزلة الرسول. Tout ce qu'il dit c'est حق. Tout ce qu'il dit c'est حق. Il prend tout ce qu'il lui donne, tout ce qu'il lui interdit, il le rejette. Là, il peut se tromper. Il peut avoir une rafla, il peut oublier. Il peut s'égarer. Sallah thabat. Fahada. Al-Nasih al-An. Que le Cheikh, rahimahullah, il va faire, c'est fihada. Qala. Wala yata'akhar an. Wa yatruk ma alima min haqqin wa sawab li mukhalafatihi bi shubhati umyan al-muqallid al-juhal. Bi anna al-alim al-fulani. Ou le Cheikh al-fulani. A'lam wa adra. وهذا سبع على الإطلاق. لا يشك أحد أن العلماء سأعلم الناس. C'est pour ça qu'on les appelle des ulama. Et c'est pour ça que c'est les guides de cette communauté. كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لا أحد يختلف في هذا من أهل السنة. لكن est-ce que c'est à l'itlaq? Il ne peut pas se tromper. أبدا. فنحنو مثلا لو ندمت est-ce que العلماء ils ont plus de علم que العوام؟ فلا شك فيه. Si on demande est-ce que أهل العلم ils ont plus de علم que طلاب العلم؟ لا شك فيه. لكن est-ce que هذا c'est dans toutes les مسائل؟ لا. Tu peux trouver un عالم من علماء السنة une مسألة il ne la comprend pas ou il se trompe. Tu trouves un طالب العلم il a compris la مسألة. ففي هذا الحال, est-ce qu'on s'entête à suivre ce shir dans l'erreur? Là. Et nous, quand on a dit un talib ilm, la chacun n'a un alim qu'à ce haq kadalik. Et bien, on a beaucoup d'exemples, que ce soit dans l'aqidah, que ce soit dans le hadith, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans le manhaj. T'amal les erreurs mentales de l'imam al-Nawawi dans l'aqidah, rahimahullah. Annahu, il a un manhaj dans l'asma wa sifat, manhaj al-Asha'ir. يؤول يحرف. Est-ce que الآن وما تقول لا أنا je suis un débutant في العلم, je suis un طالب, l'imam al-Nawawi c'est un imam في السنة et je le suis dans ses erreurs. أبدا أبدا. Il n'est pas معصوم, il n'est pas معصوم. Allah subhanahu wa ta'ala il est prouvé في هذا, il s'est trompé في هذا. لا يجوز on le suit. أبدا. Et on le respecte, c'est un imam. On fait du'a qu'Allah lui pardonne. هذا. Tu prends les erreurs des savants, même contemporains. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, n'a'taqid annahu, il s'est trompé sur sa fatwa pour la femme qui ne se couvre pas le visage. Il s'est trompé, rahimahullah. Hada n'a'taqidu. Maintenant, on a des adillah, on a des aqwal, ils sont aqwa min qawli, anna la femme, elle doit se couvrir le visage. Est-ce qu'on dit là? Là, là, c'est un imam, on doit le suivre. Abadan, il y en a t'as des autres imams qui le khalif. Et le haq, il est wahid. Hada l'aboudan yufham. Non, mais la personne, il prend ce qu'il veut. Un jour, il prend ce qu'il y en a, ça l'arrange. Un jour, il se prend ce deuxième qu'il y en a, il y a beaucoup de personnes, ils l'ont dit. Un jour, il prend un troisième qu'il y en a, il ne veut pas être critiqué. Ça, c'est min al-hawa. C'est min al-hawa. La personne, là, il y a tajarrad lil-haq. Son objectif, c'est le haq. Ce qu'il recherche, c'est le haq. Fala yatazazazan, pour une kalima. Ou pour un avis d'une personne, la yatazazan. Tant qu'il est sur haq. Si, c'est pas yas'al. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول on avait cité sa parole كثيرا يقول فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم أو من يعظم قدره في نفوسهم حتى إنهم لا يقدمون كلامه على كلام الله ورسله فكلام vous l'avez pas أنا أقرأ زيادة فبعض الناس كما قال فإنه من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم حتى إنهم لا يقدمون كلامه على كلام الله ورسوله صحيح البشري لكم صار خاصة celui qui a pas goûté au علم celui qui connaît pas منهج أهل السنة أنه quand tu respectes une personne خاصة العلماء لأن العلماء ils sont respectés عند المسلمين ف cet amour qu'il a Badanas ils exagèrent. Hatta il fait passer le kalam de son imam avant kalam Allah ou kalam Rasul. Ça tu le vois عند المتعصبة من الحنفية. Tu le vois عند المتعصبة من مذهب المالكية. وهكذا. Tu le vois هذا. أن tellement qu'il aime son imam, tu lui cites un verset du Coran al-Karim. Ou un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Il fait passer le qawl de son imam avant. Et il a une shubha. Et c'est ça qui est mohim l'an. Il a une shubha. ويقولون هو أعلم بالله منا. Ça c'est une shubha. Quand tu lui dis un taïa akhi, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit et tu lui cites un verset, هو, il va te répondre, mais si ça serait ça le haq, l'imam il aurait suivi. La yelzim ha. Hada l'an, qui sait qu'il aura fondé ce as? أن le haq, لابد, imam un tel il doit le suivre dans tout. Ça vient d'où? بل الله سبحانه وتعالى كما قال سيدي الحديث القدسي انكم تخطئون بالليل والنهار فست امام الى forcément une deux trois erreurs au plus au moins هذا لا شك فيه لكن بعض الناس هكذا tu lui montres le haq il sait que c'est le haq il peut pas te dire là ce verset il est pas صحيح او ce hadith c'est pas vrai il peut pas لكن il a une choubha il te dit ça serait vrai شيخ فلان il aurait suivi c'est خطا هذا c'est خطا ابدا chaque imam il a une zalla Chaque imam il a délaissé des choses. Il ne peut pas tout faire. Il n'est pas infaillible. Abadan. Ah, ça c'est mohim l'an. Anna cette shubha qu'il a cité Sheikh, bi anna l'alim al-fulani ou Sheikh al-fulani, a'lam wa adra. N'aim, lakin, voilà aussi il est a'lam que toi. Si toi tu fais des efforts dans une mas'ala et tu trouves le haq, la yajouz de délaisser le haq. Abadan. Khassatan, que si ce savant il se trompe, tu auras forcément un autre qui a'lam al-haq. Si cette personne maintenant nous dit, mais Cheikh Foulan, ça serait le haq, il aurait suivi. Nous on lui répond, et l'autre Cheikh, pourquoi il n'a pas suivi? Il ne pourra pas répondre, Abadan. Abadan. Ce comportement à suivre dans tout, c'est fil adilla. Al-Qur'an, al-Sunnah, al-Ijma'. Pas fil rijal, pas fil ulama, Abadan. Abadan, l'ulama, leurs paroles, ce n'est pas des preuves. Comme on l'a montré plusieurs fois. Ce n'est pas des preuves leurs paroles là. Le alim, sa parole elle doit être appuyée par une preuve. Sa parole en lui-même, ce n'est pas une preuve. Abadan. La preuve, c'est qu'al Allah, qu'al Rasul wal Ijma'. Amma le kalam d'un savant, on peut le prendre, on peut le rejeter. Comme dans les livres de fiqh qu'on fait, comme on accepte la parole de l'imam Malik. Dans une autre mas'ala, on la rejette. On accepte la parole de l'imam Abu Hanifa, on la rejette dans une autre. Comme. Ce n'est pas une preuve leurs paroles. Leur parole, elle doit être appuyée par le kitab et le sunnah. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولي الأمر سي العلماء والحكام تأمل لو verset أن الله سبحانه وتعالى إلى ست الطاعة في حقه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله تدوى أبيغ الله وأطيعوا الرسول تدوى أبيغ الرسول في العلماء إلى با ست لفظ أطيعوا لوبيسانس لا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى با دوى أطيعوا أولي الأمر لا قال عز وجل وأولي الأمر لعطف directement لماذا لأن طاعة الحكام والعلماء c'est par rapport au Coran et au Sunnah si ils ont un dalil on les suit si ils n'ont pas de dalil on suit pas هذا c'est ça le موقف الصحيح قال وله بصيرته ونظرته ويقاوم بهذه الجهالات الحق والأدلة عسى أن يحذر المسلم عن نفسه من هذه المزلة نعم c'est une نصيحة ce qu'il a écrit رحمه الله c'est une نصيحة Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala, dînu nasiha. Hakada. Al-Sheikh, rahimahullah, il a vu, il y en a beaucoup de gens, ils ont cette maladie du taqlid, du ta'assub. Il a أوصيه صفقا. قال من هذه المزلة العظيمة ولا يغتر بمن يدعو إليها من المتطفلين على العلم. نعم بعض الناس الآن يزبل هذا التقليد إما ديريكتومون أو افيك دي شبه. لا تغتر لا تغتر. ولهذا في الحقيقة تربية طلبة العلم elle doit être sur مثل هذا. On doit نحن habituer les musulmans أهل السنة بالأخص وطلبة العلم on doit les habituer à cette éducation à accepter الحق pas à suivre un tel ou un tel. Il y a cette génération الآن si elle est éduquée il faut suivre فلان il faut suivre فلان. Le jour où الحق il est autre que dans la parole de شيخ فلان أو فلان il aura du mal à l'accepter. أما si on les éduque على الحق t'acceptes le haq en respectant Ahl al-Ilm. Il faut un effort, même s'il se trompe. Il est récompensé, comme a dit le Nabi Aïssa al-Salam. Enfin, on les éduque à ça, à ton qatl haq. Hatta si il a cet objectif, il va faire des efforts dans le talab. Inch'Allah, ça devient alim, min al-ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Amma, on habitue cette génération de musulmans, de Ahl al-Sunnah, depuis qu'ils sont jeunes, depuis qu'ils sont petits, Anna, il faut suivre Foulad, il faut suivre Foulad. Il va grandir, il n'aura pas ce ta'adim du haq comme ils avaient le salaf. Wa asa, Anna bi hadhihi an-nasiha, il y a une dhikra pour celui qui a un cœur. Qala, qala, n'aam, n'akhtasir al-kalam, qala wa asa. Dans la page suivante, « وَعَسَى أَنْ يُدْرِكَ الْمُسْلِمَ النَّاصِحَ الْمُتَجَرِّدِ خَطَرْ ذَلِكَ عَلَى التَّابِعُ وَالْمَتْبُوعِ. » نعم. صحيح. لأن التقليد, c'est grave pour le تابع. التابع, c'est celui qui suit aveuglément. Et المتبوع. المتبوع, t'as deux cas. المتبوع, celui qui a suivi, t'as deux cas. إما il accepte, et celui qui appelle à هذا, il est à la خطر. مثلا, un imam, il appelle à هذا. Il appelle à être suivi, il appelle au taqlid. Et هذا لا يحصل من علماء السنة. هذا قد يحصل من أئمة الضلال. C'est pour ça qu'on a dit un imam. Ou إما, il est suivi, لكن لا يرضى بذلك. لا يرضى بذلك. وتأمل في النصارى. Ils adorent عيسى عليه السلام, mais il n'est pas d'accord avec eux. L'imam الشافعي, l'imam Malik, ils sont suivis aveuglément par certaines personnes. ولا يرضون بذلك, comme on va voir certaines de leurs paroles. هذا فالمتبوع il est à la قسمين. S'il accepte et il appelle à être suivi aveuglément, il est à la خطر, il est en danger comme celui qui le suit. أما si يكره هذا, il déteste cette chose, là qu'il est éprouvé. بعض الناس ils l'ont élevé au-dessus de sa place et ils le suivent aveuglément. Il montre أنه سخطا وإنشاءالله il est à la خير. قال ونتائجه الوخيمة على أهله أو من اطمأنت لهذا نفسه في الدنيا والآخرة ويتخذ كل صادق مما يرى لنفسه تذكرة وموعظة إن الموقف بين يدي الله عظيم. نعم النصيحة طيبة. أنا الإنسان لبلي جمع هذا الموقف أن يوم القيامة تغى دي كونت أغاند أخي المسلم. Tu auras des comptes à rendre. Je ne fais pas ce que tu veux. Je ne fais pas qui tu veux. Tu n'acceptes pas ce que tu veux. Tu rejettes ce que tu veux. Abadan. Cette vie, elle doit être muqayyada bi al-shari'a. Tu dois suivre dinillahi al-haq. Walaw sa khalif certaines personnes. Léanna le mouqif indallah il est azim. Tu auras des comptes à rendre. La personne d'aïman, il n'oublie pas ce mouqif. Tu seras tout seul. Wallahi, tout le monde sera seul. يوم القيامة كما يفسر الأدلة تغى بلو تتخبو أو تفامي أو تنشيخ أو تزلاف أو تسفيفر شكا يسرى تسل تغى دي كنت أرون سي تتع على الحق فبإذن الله يعني تبخفتها دي الحق لا برسن على على على خطأ على تعصب على باطل يخلق غطها لأنه لا ينفع يوم القيامة. قال والخطب يوم لقائه جسيم. Aïe, ça va être un manqif. Il n'est pas simple. Il est pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Il tabarra alladhina attubi'u min alladhina attaba'u wa ra'au l'azab wa taqatta'at bihimu l'asbab. Il a cité ce verset min al-Qur'an al-Karim. Il tabarra alladhina attubi'u min alladhina attaba'u yawm al-qiyama Ba'adannaz qui étaient suivis, c'était des guides. Et ils renieront ceux qui les ont suivis. Et tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabi'u. Ils vont renier, ils vont les rejeter. J'ai rien à voir avec toi, ya foulam. Limada li anna le suivi, il était à la batil. Celui qui était suivi va les rejeter, et ceux qui l'ont suivi vont regretter. Ça, c'est ça le résultat de ta'assub. C'est ça le résultat de ta'assub. Qala wa taqatta'at bihim al-asbab. Aïe, il n'y aura plus de lien entre eux. T'es mon fils, ou t'es mon père, ou t'es mon frère, ou t'es mon cheikh, ou t'es mon élève. Si c'est à la batil, tout ça, il n'y aura aucune utilité au jour du qiyam. Qala wa sammaytu al-mawdu' بتجريد الاتباع وخطر ترك الحق لآراء الخلق وما يسمى بالإشراك في الرسالة أسأل الله أن يكتب لي بما كتبت رضوانه ويجمع لي بما جمعت خير الدنيا والآخرة فهذه المقدمة مقدمة نافعة علمية لأنه زامي دي باز الآن يبقى كمان سيحت خطي للسجن قال رحمه الله مقتضى شهادة أن محمد رسول الله إبطال تفويض معرفة الحق إلى عالم معين وهذا الباب المهم تعلمون أن شهادة أن محمد رسول الله على المعنى كما أن شهادة أن لا إله إلا الله على المعنى فمعنى الشهادتين لا إله إلا الله أي لا معبود حق أو بحق إلا الله عز وجل سلام على أي celui qui dit لا إله إلا الله il a une عقيدة il a une conviction أنه personne ne mérite d'être adoré sauf Allah ça va impliquer une chose ça va impliquer أن la personne il adore que Allah لأن cette عقيدة elle doit être suivie par des œuvres فلهذا celui qui dit لا إله إلا الله et il égorge pour autre qu'Allah ou il se prosterne pour autre qu'Allah ou il adore autre qu'Allah c'est pas un musulman un kafir billah azza wa jalla shahadat anna muhammad ar-rasulullah kadhalika la une ma'na wal ma'na anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam c'est un rasul min Allah fa tu dois avoir cette conviction tu témoignes anna muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le message d'Allah ila kafat al-nas ay ila jami' al-nas وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإلى تبويس رحمة pour tout le monde. الإنس والجن، العرب والعجم، الذكر والأنثى. إلى تبويس pour tout le monde عليه الصلاة والسلام. فأنت الآن سيستس عقيدة أن محمدا عليه الصلاة والسلام سلو ميساج الله pour الإنس والجن jusqu'à la fin des temps, c'est le dernier des prophètes عليه الصلاة والسلام. هذا سوف impliquer une chose c'est ce qu'il a cité هنا المقتضى المقتضى c'est ce que ça implique الآن cette شهادة en tant que مسلم que tu fais elle va impliquer هذا إبطال تفويض معرفة الحق إلى عالم معين أي ça va impliquer que le حق il est avec le prophète محمد عليه الصلاة والسلام في دين الله في الشريعة le حق c'est la voix du prophète عليه الصلاة والسلام فسي une personne, qui qu'il soit, et khalif le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, il est plus sur le haq. Hada wadih. Alakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Si une personne, il est en concordance, il suit le prophète, sallallahu alayhi sallam, il est fi haq. Hada. Falan, le fait de dire, ou de penser, que un savant, parmi les savants de la umma, il a toujours le haq, هذا لا هذا سكونتردي cette شهادة لماذا لأن celui qui a toujours le haq c'est le prophète عليه الصلاة والسلام أما un savant il peut avoir le haq et de temps en temps il peut se tromper نحن chacun il a sa place celui qui a l'ittiba al-mutlaq c'est le Nabi عليه الصلاة والسلام أما autre que le prophète صلى الله عليه وسلم ça dépendra de son suivi du prophète عليه الصلاة والسلام هذا الباب il est مهم. Vous avez remarqué l'an, anna cette mas'ala qu'on étudie l'an, elle a une alaqa bi tawhid. Elle a une alaqa bi tawhid. C'est muhim. Tawhid al-ittiba'. Tawhid al-rasoul, alayhi salatu salam. Qala i'lam, ayyuha al-muslim, anna shahadata anna muhammad al-rasoulullah. N'am, bi dhamm al-lam. خبر أن قال هي أحد جزئي الركن الأعظم من أركان الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه. حديث معروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ومعناها الإقرار والاعتراف والإيمان بصدق نبوته ورسالته ووجوب اتباعه. ساس الآن إلى أن ستي معنى ست شهادة أي محمد رسول الله، فتعترف وتقر وتؤمن أنه سنبي اسم رسول إلى أنفوي بغى الله عز وجل. سساء الآن عقيدة المسلم بغى ست شهادة. قال ووجوب اتباعه والتزام شرعه وهديه. نعم، لأن الست تيموان كسن رسول من الله فسي أوبليغاتوار دو لو سويف، لأنه إلى الحق إلى أبوي بغى ريفيلاسيون. قال وهديه وما جاء به من الحق واختصاصه بالاتباع المطلق. نعم، وفي هذا يعني حكمة عظيمة، في هذا ين حكمة عظيمة، أي أن المرجع أو المتبع سليكون سوي إلى واحد ين فائدة عظيمة أيها المسلم، وهي أن ست شوز الآن ست كومبري ست معنى إسكال أمبليك فتبا كومبخوند أن ين سجس عظيمة أن جميع الأمة إذن لهم جد الرسول عليه الصلاة والسلام. فسي on a une divergence moi et toi ou avec un autre فon a le même مرجع. T'as pas forcément raison, j'ai pas forcément raison. T'as pas forcément tort, j'ai pas forcément tort. C'est quoi qui va trancher entre moi et toi? C'est ce guide, الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. كذلك يعني حكمة عظيمة أن سوف يتلا كوز دو الاجتماع. الآن كثير من الناس يزابل أسو غاسمبلي لكن on doit se rassembler autour de ce guide. لأن si moi je suis الرسول عليه الصلاة والسلام et des autres personnes ils suivent pas le Rasoul, on pourra pas se rassembler. Moi je vais les appeler à suivre cette voie, c'est le haq. Eux ils vont nous appeler à suivre Fulan, on se divisera. Là, nous on peut pas délaisser le suivi du prophète alayhi salam. Kadhalik, un autre groupe de personnes ils suivent le Rasoul dans une mas'ala. Un autre groupe il dit là muta'assiba, il dit là mais mon cheikh ça serait le haq, il l'aurait suivi. Khalas, ça se divise. Haqiqa, toutes les fidèles qu'on voit là, qu'on vit, qu'on entend, c'est par rapport à ce asl. A ton avis, Anta, pourquoi Sahaba ishtama'u? Pourquoi Sahaba ça a été une communauté une? Il n'y avait pas de division. Les Annahum, ils ont tous suivi le même guide, Ar-Rasoul, alayhi salam. Ils avaient un problème, ils reviennent Ar-Rasoul. Amma l'an, nahnu, pourquoi la Umma est divisée? At-Tablighi, il prétend suivre son shir. Al-Ikhwani, il suit son shir. Al-Soufi, il suit des machayers. Chaque groupe, ça a divisé. On aurait tous le même guide. Délaisse ton shir. Si Khalif al-Hab, qu'est-ce qu'il a dit Rasoul Viada et on le suit. On serait une Umma wahida. C'est pour ça que هذا الباب, il est muhim jiddan. Il est muhim jiddan. Et ça vous montre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hakim, c'est le khabir. Et Allah, il nous a légiféré un guide avec le Coran et le Sunnah. Ce prophète s'en nous montre, si on le suit tous, on sera une Umma. كذلك ça nous montre l'importance de l'ilm. لأن tu ne pourras pas suivre ce rasoul إلا بالعلم. الآن بعض الناس إزام الرسول من المسلمين لا شك c'est des مسلمون إزام الرسول بل بعضهم tellement qu'il l'aime ils exagèrent dans certaines choses. لكن c'est quoi le fait qu'il l'a fait qu'il ne suit pas le Nabi صلى الله عليه وسلم؟ C'est quoi? C'est son ignorance. C'est pour ça que ça nous montre l'importance du ilm, l'importance de tajarrud ila al-haq, l'importance de s'écarter de la hawa, de ta'assub. Et bien, idnillah, la umma, elle serait à la khair. A'azam min al-an. Qala wa lidha qala ahlul ilm fi ma'naha la matbu'a bi haq illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ghayruhu in ittubi'a bi ghayri dalil faqad ittubi'a bi batil. Hada. فكما أن الله سبحانه وتعالى c'est le مستحق للعبادة وحده celui qui adore autre qu'Allah il a adoré cette chose بباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم il est suivi c'est le haq celui qui suit autre que le Nabi صلى الله عليه وسلم dans une chose qui fait partie de la religion il l'a suivi bi-batil ولو c'est un savant ولو c'est un imam de la sunna قال فلا يستقيم الدين إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا كما قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الشيء واضح أن المؤمن أو المؤمنة si il y a un دليل من القرآن ومن السنة il n'a plus le choix قال عز وجل إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم t'as plus le choix maintenant on a un دليل clair أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous a interdit telle chose دليل il est clair واحد يبين ودينا شيخ أنتل il a dit كذا t'as pas le choix لهذا لأن حكم الله وحكم رسوله il passe avant قال وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما كذلك هنا فلا وربك لا يؤمنون الله سبحانه وتعالى يجور بنفسه عز وجل أنهم يكروهم با طوك يغوفيندرون با أتوا فيما شجر بينهم أي الخلاف مثلا موا j'ai une divergence avec Fulan. Si nous deux, on a un iman qawi, on revient au prophète Aïssa al-Salam. On revient. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. Et vous remarquez, dans les versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre an al marji' c'est le rasoul. Al marji' c'est le rasoul. Yuhakkimuka, ay yuhakkimuna al-Nabi alayhi salam. Qala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ستخوزين في قصة كذلك. الله سبحانه وتعالى يمطر à ses serviteurs أن celui qui خالف النبي عليه الصلاة والسلام il peut tomber dans le fitna. Et الله سبحانه وتعالى il le menace d'un عذاب, d'un châtiment. الآن, est-ce que dans le verset on a مخالفة un autre que le Nabi صلى الله عليه وسلم أبدا. أبدا. Et ça te montre, Akhil Karim, si tu khalif بعض الناس et te critiques, ça ne te fait aucun mal. L'essentiel, suis le Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Suis le Nabi. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أما البشر, comme on l'a expliqué plusieurs fois, on peut prendre ou on peut rejeter. أما النبي صلى الله عليه وسلم, c'est الاتباع المطلق. Tu ne peux pas rejeter une chose, abadan, tant que c'est un hadith sahih. Abadan. Tu le rejettes pas. Si tu peux l'appliquer, tu l'appliques. Si tu peux pas, ça arrive, ils n'arrivent pas à appliquer certaines choses, tu ne rejettes pas avec ton cœur. Tu sais que c'est le haq là qui est une faiblesse. Amma rejeté, la yadouf. La yadouf. Ben, ça peut être grave. An tusibahum fitnatun. Ou yusibahum adabun ali. Qala wa hadhara. بفتح الراء هنا ينغى وحذر من الافتئات عليه الصلاة والسلام وحذر من الافتئات عليه صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم هذه الآية الآن المهمة هذه الآية الآن سام منهج بغتوى بغت الطبي C'est un manhaj pour chaque musulman. Ya ayyuha alladhina amanu, an nida ila lil mu'min. T'es concerné, c'est un mu'min. Homme, femme, arabe ou non arabe. Chaque mu'min, il est concerné. Ya ayyuha alladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasul. Aïe, tu fais passer la parole de personne avant hukm Allah wa hukm rasul. At-taqdim, c'est de faire passer avant. La yajouz. Si on a un hukm min Allah, on a un hukm min al-Rasul, on n'a pas le droit de faire passer le hukm de quiconque avant le hukm de Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. Ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wa taqullaha inna Allaha samii'un 'aliim. Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. فالامر il est pas simple. بعض الناس نسال الله العافيه يغشد الشوز من السنه واضحه Kashams. Et on dirait que c'est simple. Là, là, on a ta'ammal ce genre de verset. On a ta'ammal. Ta'ammal. Et on place chacun à la manzila qu'Allah lui a donnée. حتى في الرسول أنا بلغو واحد مثلا كبعض الصوفية يبخطط كل رسول يكون الانفيزيب لا يجوز لا يجوز ساسي من خصائص الله أو بعض الضلال الجهال يزفك للبروفة عليه الصلاة والسلام لا يجوز شك أسبلات العبادة حق لله كذلك الاتباع لا يجوز une personne autre que le Nabi صلى الله عليه وسلم إلى الاتباع المطلق Ce qui dit c'est haq. Ce qui rejette c'est que c'est le batil. Là, ça dépend des adil. Ça dépend des adil. Il y en a la personne, comme on l'a dit, il n'est pas infaillible. Il peut s'énerver, il peut se tromper, il peut oublier, il peut s'égarer. Fahada, fallait tuer al-mutlaq, il est le Nabi alayhi salam. C'est ça qu'on résume de hada al-kalam. Il a un qal, page numéro 11. Qala. وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نعم on a résumé هنا لأن il a cité plusieurs versets avec des أدلة ça tourne autour de ce qu'on a dit فنحن on résume il a un قال il a cité ce dernier verset وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ça c'est من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل لكن نحن parle de notre prophète عليه الصلاة والسلام لأن on fait partie de sa communauté عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى il peut pas parler sous l'effet de la passion أبدا لماذا لأن il est appuyé par le وحي إن هو إلا وحي يوحى تفهم من هذه الآية أن autre que le Nabi صلى الله عليه وسلم quel qu'il soit il peut se tromper il peut parler sous l'effet de la passion il est énervé ou la joie أو يود يفضل فلان. Personne n'est معصوم من هذا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا؟ لأن le prophète صلى الله عليه وسلم il est appuyé par la révélation et la révélation elle est arrêtée après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. حتى أحد الصحابة il pleurait après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم et ils lui ont demandé لماذا؟ أظن أبو هريرة أو أبو ذر الشك عندي شك. والأمر سهل لسنتين صحابي يبلغ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يا فلان يعني مالك كيف تعلم ماذا تبلغ يقول له قال je pleure لأن la révélation elle a arrêté صحيح la révélation c'est une ni'ma la révélation il y a un khilaf la révélation elle tranche la révélation c'est une ni'ma ils l'ont vécu رضي الله عنه فدès qu'elle s'est arrêtée ils ont été tristes il a pleuré رضي الله عنه tout ça pour vous montrer la révélation قطعت Après la révélation, chaque personne, chaque musulman, il doit revenir à cette révélation. On n'a pas revenu à son corps lui-même. On sait des savants de la sunna, ils nous montrent cette révélation. Enfin, si un savant il se trompe, enfin, on va vers un autre. Si un savant il oublie, enfin, on prendra d'un autre. Là, il y a que ça soit toujours le même. C'est ça, Al-An, cette mas'ala muhimma. Là, il y a que ça soit toujours le même. أبدا فنحن مثلا avec notre شيخ وفقه الله شيخ يحيى on le خالف dans certaines choses et dans ce qu'on fait أحيانا une مسألة ربما إلى أن قول ربما نحن on a choisi le قول d'un autre savant ما في شيء في صفات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم qu'on a étudié avec les frères كم المسائل on a خالف الشيخ حفظه الله مثلا الشيخ il voit أن pour faire ou quand arrive à صلاة الجماعة si l'imam il s'est relevé ou si l'imam il a fait le recours même si tu arrives à avoir le recours t'as pas de raka'a, t'es obligé de refaire une raka'a ça c'est qu'on dit le sheikh ou jama'a min ahl al-ilm l'anna indahum t'es obligé de réciter le fatiha tu trouves des autres aqwal qu'a dit le sheikh al-Uthaymeen rahimahullah si tu viens et l'imam il est raka'a et tu fais le recours la raka'a est valide et il s'appuie sur hadith Abi Bakr et c'est sahih صحيح يسابي سوادلي فنحن نتشيخ وتلانو نخالف في هذا بطيبة نفس أبدا لنغبخشها هذا أبدا لأن إلا في الباسو تقليل تشوازي تون قول لسانسيل تان دليل موا جي شوازي هذا لا بس إلا بيخسوني يناقش سور المسألة بعلم بهدو بأدب هذا أما أنسوي دانتو أبدا لأن سانة خمان يبسو ترمبي دمان أجوردوي سي ترمبي إيار وهكذا قال وقام الاتفاق على عصمته صلى الله عليه وسلم مما يخل بالنبوة والرسالة والبلاغ. نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. Tout ce qui est rapport avec din, avec le message, il est معصوم. لأن il est appuyé par la révélation عليه الصلاة والسلام. قال بخلاف غيره ممن أمر الله بالرجوع إليهم وسؤالهم من أهل العلم وأولي الأمر فليست طاعتهم مطلقة. On a cité le verset. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Et on a expliqué أن طاعة ولاة الأمور, que ce soit des gouverneurs ou des savants, c'est pas à l'itlaq. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit وأطيعوا. Il n'a pas dit obéissez pour les gouverneurs et les savants. Là, il y en a leur obéissance, c'est par rapport au Coran et à la Sunna. قال وسؤالهم من أهل العلم وأولي الأمر فليس طاعتهم مطلقة. لا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف. L'obéissance. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a montré que ce soit les gouverneurs, les savants, ou tes parents, ou ton professeur, ou ton cheikh, ou tout ça c'est في المعروف. أي si il y a un dalil من القرآن ومن السنة tu le suis. S'il n'y a pas, قال النبي عليه الصلاة والسلام, un deuxième hadith, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المخلوق c'est عام, ça englobe الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم il ne peut pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, ça englobe tous ceux autres que le Nabi alayhi salam. La ta'ali makhlouq fi ma'asiyat al-khaliq. Tu n'as pas le droit de suivre une créature dans la désobéissance du créateur. Là, ton père, maintenant, demain, il te dit rase-toi la barbe, la ta'a. Tu le respectes, c'est ton père, la ta'a. Maintenant, on a un dalil, mais la sunna. Je ne peux pas délaisser la parole du prophète et te suivre. Abadan, tu le montres, je ne te suivrai pas. Et tu le respectes. Un savant, demain, il se trompe. Savant, on a donné l'exemple. Un shir, maintenant, il dit, la femme, elle a le droit de se découvrir le visage. Là, on ne le suit pas. As-Sahih, le prophète, plusieurs hadiths, et on a le comportement de ces femmes, elles se couvrent le visage, enfin, on suit ce qawl. Et fi'ada, tu t'es trompé. حقيقة لا تيوري سي سامبل جدا الآن لا تيوري نتكلم سي كلير لكن عند الفتن كنت دي فتن هل تتوم سور لا تت كنت تي او ميليو دون مسألة خلافية لا بيرسون يقعد سو سون فخوا اما افيك لي نير افيك فلان يكري افيك ربما تروجيت دي اقوال صحيحة ولا تشعر سي سا لا بيرسون توجور يدوموند الله التوفيق ما سكون في الآن ما أظن يخالفنا أحد من أهل السنة لكن الثيوري للشبه parmi les شبه qu'il a cité ابن القيم رحمه الله si ça serait حق الشيخ فلان لو يسوي انتبه والله سباطل سباطل لأن ce الشيخ il est pas معصوم لأن le قول celui qui dit mais si ça serait حق الشيخ لو يسوي ça veut dire que الشيخ suit toujours الحق ça veut dire qu'il est infaillible. لا هذا c'est خطأ قال بل مستثنات فيما لهم وعليهم كما ذكر مضمون ذلك الشافعي في الرسالة لأن غيره عرضة للانحراف والضلال في دينه وعلى أقل حال للخطأ والزلل وإن كان صاحبه مجتهدا معذورا فهذا سنه أن شك صابون شك إمام دل السنة تتخوف غاية لنرى شك صابون لأن السلوي كفاد غير سنة بخبت عيسى السلام وغفي على حكمة كنا ستين تأمل أنت لو الرسول صلى الله عليه وسلم لا فاضغ ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا فاضغ في دين الله عز وجل الى معصوم ان اوتريما او ان امام كذلك لا فاضغ الان تغي دو مرجع une personne il peut dire même si je pas suivi le nabi صلى الله عليه وسلم je suis estima mais se trompe pas là المرجعيه elle revient à النبي عليه الصلاه والسلام لابد ان امام tu trouves la sunna il suit le nabi صلى الله عليه وسلم pendant des années un jour il se trompe. L'imam al-Nawawi, c'est un imam في الحديث, في الفقه. C'est un imam, il a des erreurs. Ibn Hajar, sahib al-Fath, c'est un imam. Il a des erreurs. Cheikh al-Islam, à chaque tu trouveras, il a une erreur, deux erreurs. La boud. La yajouz, on l'élève. Un cheikh qu'on aime à cette place, à Nawou, il ne peut pas se tromper. Abadan. Wallahi, ba'dan nas, vous avez pu... Robama, vous avez vécu hein, tu parles avec lui, si tous dire Cheikh Foulani s'est trompé, on dirait t'as critiqué le Rasoul, mais il n'y a pas de critique. Cheikh Foulani s'est trompé, bi adab. بأدب سوسان صابر دا السنة الشيخ فلان يسترومبي بعض الناس il arrive pas à accepter هذا tu lui dis الشيخ فلان يسترومبي ses yeux ils s'ouvrent لأنه il arrive pas à concevoir هذا comment الشيخ فلان يسترومبي ما فيشي si la personne il tombe un délil de son erreur ما فيشي فهذا صلى الله قال وإنما خص الله أنبياءه ورسله بالعصمة عن الانحراف والضلال والخطأ والزلل في التشريع نعم ceux qui sont معصوم أي infaillible c'est الرسل الأنبياء تان دليل من القرآن ومن السنة اطمئن سوي يا با ديغور أبدا قال ابن أبي العز الحنفي الإمام صاحب شرح الطحاوية قال في الاتباع إلى رسالة un livre il s'appelle الاتباع قال ما من واحد منهم يعني أئمة المسلمين إلا وقد فاته معرفة بعض النصوص أو خفي عنه وجه الصواب في الاستنباط أو لم يحضره النص حين أفتى بخلافه إذ كل منهم بشر ينسى كما ينسى البشر ومن هذا يحصل الخطأ في الاجتهاد هذا سنقل طيب الإمام ابن أبي العز الآن نموت خلنا ما من أحد أي نبخ كالإمام دول السنة فلا شك أن يدي نصوص كلا بسو إذا سنموت خلنا من أسباب الخطأ عند أهل العلم كما on avait expliqué avec les frères on avait fait une kalima في المعاملة عند الخلاف comment se comporter quand des savants ils divergent. On avait fait une kalima ma'ana et on avait cité un parmi les causes du khilaf, c'est qu'un savant il n'a pas connu ce hadith. Mais là tu ne trouveras pas un savant, il connaît toute la sunna. L'imam Malik rahimallah, ahyanan il se trompe dans des masa'il, limadan il y en a le hadith, il ne l'a pas su. Il ne savait pas que ce hadith, il aurait su le hadith, il l'aurait suivi. Mais qu'il ne l'a pas su, tu trouves il se trompe. Et il a une excuse, indallah. Il y en a, il ne savait pas. فهذا الإمام نبي العز الآن يتمدخ أن العالم يبقى تكونتخ أبدا فهذا من هذا الباب يبقى ستخوفي السيسان إمام دولة السنة السيسان مهم يا جماعة يعلم أن السابون دولة السنة لا يتعمد الخطأ أبدا السابون دولة السنة جامي فغى لغوغ فولونتيرمون أبدا السيسان أهل البدع علماء السنة يستخوف لا شك ولا ريب لكن si il se trompe, sa niya c'est le haq. Lakin, il peut oublier. Le hadith ne lui est pas parvenu. Ah oui, il s'est basé sur un hadith faible. Kadalik, c'est une cause. Hein. Par les ulama, ils ont des erreurs dans certaines choses. L'ulama, il s'est basé sur un hadith, il est faible. Un autre savant, il vient, il démontre ce hadith, il est faible. Enfin, là, chaque s'il a pris le hadith faible, il peut se tromper. Un hukm qu'il cite dans ce hadith, ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il est ma'adour, il est excusé. Fihala. وقال أبو شامة المقدسي رحمه الله في مختصر المؤمل ينبغي للطالب أن يكون أبدا في طالب أن يكون أبدا في طلب ازدياد علم ما لم يعلمه من أي شخص كان سساء الطالب الموفق طالب كالله لو وفق هذا أنه دائما إلى السيد أغمطس علم ولا يرضى يسوي avec les mots ابدا صار طالب علم دائما il essaie de augmenter son علم et quand il y a une مساله il y a une divergence entre les ulama قال من اي شخص كان مثلا il y a une مساله il y a un خلاف ولو son شيخ مثلا il a dit un كلام et un autre savant il a dit un autre كلام c'est le حق lui recherche le حق هكذا le طالب الموفق هذا il ne fait pas passer Foulan avant Foulan. Là, Cheikh Foulan, il a forcément raison. Léana, il vient de tel pays. Cheikh Foulan, il a forcément raison. Léana, il est plus vieux. Cheikh Foulan, il a forcément raison. Léana, où c'est son chir. Abadan. Abadan. Talib ilm, هذا الموفق, il recherche le haq. Il le prend où qu'il est. Il le prend où qu'il est, هذا الحق. لماذا? Léana, ce talib, il عظم الحق. Il عظم الحق. Et il a un suivi du prophète, alayhi sallam. Et il sait que savant un tel ou un tel, il peut se tromper. Enfin, ouais, il essaye de toujours de rester avec le Rasoul, alayhi salam. Et ce savant qui s'est trompé, si c'est un savant de la Sunna, Inch'Allah, il est ma'adour. Si c'est une chose ou qu'il a des excuses, bien idnillah, il est ma'adour. قال فالحكمة ظالة المؤمن أينما وجدها أخذها. نعم. Allah, c'est une protection, هذا الحق. Où que tu le trouves, بإذن الله تدوى أدخل في هذا الحق. تعلمون أن بعض العوام à cause de leur ta'assub, ils ont atteint un niveau annahu il accepte le haq que s'il vient de son pays. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Anzur al ta'assub qui les a emmenés. Si c'est de son pays, il accepte. Si c'est pas de son pays, il accepte pas. Ba'd al juhad, ils ont atteint un niveau de ta'assub. Si c'est son père, il accepte ses ancêtres. Si c'est pas son père, il accepte pas. Probablement son père, c'est un jahil. Il sait pas lire, il sait pas écrire. شوف الطعس فلا يجوز نحن في هذا avec nos مشايخ لا يجوز si c'est الشيخ فلان c'est حق si c'est الشيخ فلان c'est forcément une erreur لا يجوز ابدا ابدا celui qui se comporte هكذا يعظم pas الحق يعظم pas الحق لان الله يوفق savant un tel الى الحق tu es obligé de prendre un tel قال فالحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها فعليه الانصاف. L'insaf, c'est que tu es juste. Ça, c'est un conseil. Un imam, Abu Sham, le Maqdisi, rahimahullah. Il te conseille, ayyuh al-talib, fa'alayhi al-insaf. Et ça, c'est mohim pour ta vie de talib. Un talib qui n'a pas d'insaf, à tout moment, il peut s'égarer. L'abou de l'insaf, tu es juste. Chacun à sa place. Insaf, adl. Cheikh Fulan, il a haq, il a haq. On voit, la hawa, elle nous pousse. Non, il s'est trompé. Alors qu'on n'a pas d'adil. Là. الانصاف الانصاف وترك التقليد دوزيام كونسيل ترك التقليد دونك لا سوفي افيك خاصه الان هو يبارل على طلبه العلم يزون لا قدره كما انا اكسبليكي امس الي ولا فائده دو طلب العلم سي لو ريزولتا اون دو سويفر افيك لي مون فلان الي ولا فائده تطلب العلم الا لهذا انت في العباده تقرب الى الله عز وجل اي سي بور كونيتر الحق قال واتباع الدليل هذا مهم صافي بارتي دو الانصاف وكل احد يخطئ ويصيب الان الامام يتسيت سا بور تو مونتري لو قلد بيرسون سوي لو بروفيت عليه الصلاه والسلام مي سترومبا اما اوت كو لو بروفيت يصيب ويخطئ يصيب اي اي بو افور ريزون يخطئ سا فيت الخطا اي بو سترومبي فانت سيت اس منهج الان تو سي كو شيخ فلان تو شيخ اوت اي بو سترومبي اي بو افور الحق الان سي كوا كي فا فير كو تو لو سوي او با تتجدي لا مساله قال الا من شهدت له الشريعه بالعصمه وهو النبي صلى الله عليه وسلم يا كون بيرسون كي انفايب تو باس تروبي تي اوبليجي دو سويف مطلقا تا كومبري او تا با كومبري تي اوبليجي دو سويف سي النبي عليه الصلاه والسلام صاحب الشريعه عليه الصلاه والسلام اما ادخل وقال ايضا اي ابو شامه ثم ان الشافعي احتاط لنفسه وعلم ان البشر لا يخلو من السهو والغفله وعدم الاحتياط فصح عنه من غير وجه انه امر اذا وجد قوله على مخالفه الحديث الصحيح الذي يصح الاحتجاج به ان يترك قوله ويؤخذ بالحديث هذا سنقل طيب يغبط عن الشافعي الشافعي رحمه الله صائم سان إمام في السنة معروف هو il sait très bien que c'est un être humain c'est un savant c'est un imam c'est un être humain il peut se tromper فلهذا il a conseillé à ceux qui viennent après lui أنهم s'il trouve son قول il contredit un hadith صحيح du Nabi صلى الله عليه وسلم on doit délaisser son قول c'est ça وصية أهل العلم c'est pour ça qu'on vous a dit à leur ulama السنة ils appellent pas au taqlid أبدا si tu trouves une personne qui appelle au taqlid إما إلى بدع إما سلفية فيها نظر عند دو أما صابون للسنة إلى دو علم لابلو تقليد أبدا أبدا فهذا الإمام الشافعي رحمه الله الآن إلي إموت إسي سويفور كثير منهم المتعصبة إزون بابري صنصيح أنه إلي رمو سي جي أن قول إي جي مو تخوب لماذا لأنه إي بوس تخوبي سيبا رسول سيبا نبي ولا شك أن الإمام الشافعي سي تخوبي دان دي مسائل Dans le fiqh, maintenant, combien de masaïl ont fait passer le qawl de l'imam Ahmed avant le qawl de l'imam Shafi'i? Ou le qawl de l'imam Malik avant le qawl de l'imam Shafi'i? Alors, il leur montre que si vous trouvez un hadith qui est authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, délaissez mon qawl. C'est ça, Talib al-Ain, il doit appliquer mitla hada. Ma balouk, ceux qui sont venus après l'imam Shafi'i. Ma balouk. Hakada. S'il a un qawl, et ce qawl, il s'est trompé et on lui trouve une excuse, c'est un savant de la sunna. Enfin, là, chacun là, on délaissera son qawl. Avec tout l'amour et le respect qu'on a pour lui, c'est un savant de la sunna. قال ولذا قال ابن رجب رحمه الله من أئمة الحنابلة معروف إلى الشرح على البخاري فتح الباري معروف ابن رجب من أئمة السنة، قال في الفرق بين النصيحة والتعيير كما في جامع رسائله: علماء الدين مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شدود شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم. إجماع العلماء لونانيميتي دي سافون اي رابورت ابن رجب أن يا با ان سافون كي سي تو سيت شريعة أبدا. Mais il oublie. Mais il n'a pas compris. Mais le maître au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Rajab nous montre que le savant il peut se tromper. Et il va se tromper aujourd'hui ou demain. Ah oui, il s'est trompé hier. La bout. Fa'anta, tu stafes de tout ça qu'en tant que talib ilm. L'erreur ne suit pas l'erreur. Ibn Rajab, maintenant, demain, on lit une sefatwa et une erreur. Qui c'est qui nous impose de le suivre? On est obligé de suivre le Rasoul. Un imam, on peut prendre son col, on peut le rejeter. Lakin, le fait de prendre, c'est l'insaf. On s'écarte de la hawa. Le fait de rejeter, كذلك. Il y a une maladie, كذلك. Certains gens, ils rejettent. بعض أقوال أهل العلم, il n'a pas de délit. Le sawab, il est avec le alim. Lakin, il rejette la hawa. Enfin, le fait de prendre et de rejeter, c'est l'insaf. لا ولا ولا ادعى احد من المتقدمين ولا من المتاخرين. Aucun savant, que ce soit les prédécesseurs ou les contemporains, abadan, il a prétendu هذا انه il sait tout, il peut pas se tromper. Abadan. والله في الحقيقه c'est le juhal. اما العلماء ولله الحمد ils montrent le haq, ils appellent au haq, ils aiment le haq, لكن كثير من الفتن اللي عند الجهال. فلهذا لا تقترب بقول الجهال ابدا او المتعالمين كذلك. الى طلب العلم 1 ans 2 ans 3 ans خلاص كانه سيمرجع شيخ الاسلام ابدا. قال الشيخ سعيد رحمه الله: فتلخص مما ذكر ان الاحاطه باحكام الشريعه العلميه والعمليه والعصمه من الخطا والزلل والسهو والنسيان. الخطا سي ليغور. الزلل c'est le fait de glisser. Ça arrive. On appelle ça zalla. Zalla al-ulama. Maintenant, il glisse dans une masala. Ça fait partie de le khata. As-sahu. As-sahu, ma'rouf. C'est l'oubli. C'est l'oubli. Ou al-nisyan. Al-nisyan, kadali. Qala awal inhirafi wa dhalal. Kadali. Personne est ma'soum de s'égarer. Illa al-rusul wal-anbiya. Amma autre que la personne, il n'est pas préservé. On ne peut pas dire, matalan, chez Fulan, il est préservé de l'égarement. Abedan. Comme les gens, ils étaient à la khir, ils avaient du ilm. Et là, ils se sont égarés. Allah, il a dit le ma'asoum. قال أو الانحراف والضلال فيها خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل. هذا. Tout ce باب الآن, on conclut et on résume أن العصمة. العصمة, c'est l'infaillibilité, t'es infaillible. كذلك, les prophètes qui sont venus avant lui et les rasoul, ils sont infaillibles. Ne peuvent pas se tromper, fi dinillah, abadan. Autre que, il peut se tromper. Ça peut être une petite erreur, ça peut être une grosse erreur. Ça peut être une erreur dans le fiqh, ça peut être une erreur dans l'aqidah. Ça peut être une erreur sur une personne. Fulani dit moubtadi'a, fulani dit c'est pas un moubtadi'a. Il peut se tromper, qui qu'il soit. Nous, on conclut de tout ça, ayyuha talib, on fait des efforts fil ilm. Fait des efforts. Et on n'est pas comme certaines personnes, ils désespèrent. Anahu, tu t'en sortiras pas. Tu peux travailler une des années, pour lui, tu resteras toujours en bas. Là. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Allah idana kibou. Et on demande à Allah azza wa jalla ziyada fil ilm. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala nuwaffaq lil amal. Et bi'idhnillah, celui avec les années, il atteindra un niveau, il comprendra des choses, il pourra différencier. Cheikh Fulan s'est trompé, li annahu kada kada. Cheikh Fulan il a haq, li annahu kada wa kada. Ahada. On reste pas toujours des défaitistes. Ba'd an-nas, wallah, c'est ajib. C'est ajib. Il te montre d'entrée طلب العلم يعني تي اريفرا با او لا ابدا. Fais des efforts. ولو تعطى انا j'avance. Fais des efforts. ولو tu connais pas l'arabe. Fais des efforts. Allah il est ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de t'élever tu t'y attendais pas. Là, quand t'as fait des efforts, t'étais sincère. Ah, ah, on n'admet pas les anfusina al-jahl. لأن المقلد سان جاهل بالإجماع سيأتي أظن سيأتي ربما أن المقلد سان جاهل بالإجماع tu trouveras jamais un savant qui suit aveuglément أبدا فجاء شيخ الإسلام يسوي aveuglément أو الإمام الشافعي الإمام أحمد شيخ الألباني شيخ بن باز شيخ مقبل هؤلاء tu les as jamais suivi aveuglément أبدا تجرد الحق c'est pour ça que الإمام ابن عبد البر il a montré إجماع العلماء أنه celui qui suit aveuglément, ce n'est pas un savant. Fais attention à l'inefficacité de l'homme. Fais attention. Fais des efforts. Et d'aïman, tu as cet espoir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te waffaq. Baqiya, on essaie de finir après l'asr, inshallah. Après l'asr, on fond. بإذن الله عز وجل ونسي دو ما أدري يسكو فينيغا ما أظن لأن لا باس بقية سي on finit pas jeudi on finit samedi سهل فست après-midi cet après-midi بعد العصر vu qu'on n'a pas درس البلوغ فأو فون du masjid venez pas ici après العصر après العصر y a du monde allez tout au fond les frères ils ont l'habitude vous les trouverez là-bas et inshallah on essaye de finir et d'astata'na et si on ne peut pas fa inshallah l'amr sahl imma vendredi imma samedi on verra tout à l'heure comme à tous les deux man indahu shay qui sait qu'il y a une chose qu'il n'a pas compris ou un mot ou ashkala alayhi mas'ala yatafaddal ou naktafi bihada tafaddal quand il y a des retirés par les ulama, la personne elle fait un da'if comme ça, est-ce qu'il vaut mieux qu'il attende de mieux comprendre pour pouvoir étudier les masalas ou vaut mieux qu'il demande à quelqu'un tout de suite? Quand il y a des retirés par les ulama, tu comprends pas. Est-ce qu'il vaut mieux tout de suite essayer de comprendre ou vaut mieux retarder Là, la chaque il faut essayer de comprendre. Il m'a de retarder. Le retardement, Ada, il fait que du mal. Si la personne est un khilaf et il a l'ilm et il n'arrive pas à trancher, il fait des efforts pour trouver le haqq. Pourquoi attendre? Ça va te rajouter quoi à l'attente? Là, il y en a dans cette position, si tu n'arrives pas à trancher, c'est que tu es ignorant. Enfin, pour régler cette ignorance, c'est quoi? C'est l'ilm. L'attente, ça ne te réglera jamais l'ignorance. Une personne, maintenant, il ne sait pas une mas'ala, il attend pendant 10 ans, ça va lui faire quoi? Ça ne va rien lui faire. L'attente, ça ne règle rien. Ce qui règle, c'est l'ilm. C'est comme une maladie. Tu es malade, tu vas rester chez toi, j'attends. Là, il faut te soigner. Ah, quand même. L'attente, mais il y a... Tu peux trouver un cas, la personne ne trouve pas. Il ne sait pas à qui demander. Là, il attend et il fait deux. Emma, si tu peux, tu sais qu'il y a un savant, il peut te répondre. Il y a Akhi, demande. M'a fiché. Khalas. Hein? Hey? Madri, tu parles de quoi? Hey, donne-nous la page, Nando. Non, je c'est Anna qui l'a dit. Non, s'il n'est pas écrit, c'est moi qui l'a dit. Ah, non. Madri, la phrase, c'est quoi? Pour le moment. Al-Muqayyad Ma'rouf, c'est de se limiter à une chose, à taqid. Ahmad, si tu aurais noté la phrase, on aurait pu. لست عليهم بمسيطر. On n'est pas responsable. ماذا نفعل؟ On est responsable dans une chose. Fais des efforts pour l'ilm. Fais des efforts pour l'ilm. Si عوام ربما de ta ville ou de ton pays, tu leur montreras. هذا les عوام ils suivent طلبة العلم, ils suivent العلماء. لكن العلماء on peut pas les, ils sont pas partout. Les عوام ils sont peu nombreux. طلبة العلم ils ont un rôle à jouer. صحيح أن العوام y a un خلاف, ils savent pas. Pour lui, Cheikh Al-Albani, le Qardawi, Rabbam Al-Qardawi, il a plus de ilm pour lui. Mais nous, on n'est pas responsables. Là, on va faire. On fait du'a pour eux, qu'Allah les guide, et on fait des efforts, hatta ces gens-là, on les éduque à la sunna. Maintenant, un âge, je vais dans mon pays, un tas dans ton pays, Fulan dans son pays, dans son pays. Enfin, là, chacun a katir min al-awam, bi'idnillah, ils seront le haq. La responsabilité, elle est à nous. Fais des efforts. Allez, en tant que talab ilm, pense pas qu'à toi. Là, vois loin, mets-toi des objectifs. Des gens ils attendent, des gens ils ont besoin, des gens ils sont ignorants. Si Allah est et tu peux leur montrer, et tu seras la cause de les avoir guidés et tu auras la récompense de tout ce qu'ils font. Subhanakallah wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.